Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire du film « Le dernier tango à Paris » de Bernardo Bertolucci. Notre époque n'est plus à la censure des tableaux et des sculptures, mais des films. Oui, depuis que les frères Lumière ont inventé le cinématographe, les pouvoirs, quels qu'ils soient, ont toujours pensé à limiter cette magie en la contrôlant. Beaucoup de grands réalisateurs ont reçu un jour un courrier des censeurs leur annonçant que telle ou telle scène n'était pas acceptable aux yeux de la loi. Alors c'est selon la période, le scandale change de nom, de rite et de forme. En 1966, par exemple, c'est la religieuse de Jacques Rivette que le pouvoir gaulliste sous commandement de l'Église refuse de montrer au public pendant plus d'un an. Aujourd'hui, la censure tombe sur des films divers. On interdit aux moins de 18 ans Love de Gaspard Noé parce que des corps s'enlacent, ou le documentaire intitulé Salafiste parce qu'on y rencontre des terroristes. C'est oublier que censurer, interdire, limiter, ce n'est rien d'autre que mettre un voile sur une angoisse. En 1972, déjà, c'est la guerre et les corps qui étaient dans la mire des censeurs. On interdit avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier, mais aussi le dernier tango à Paris qu'on cache aux moins de 18 ans. En Italie, la censure ira jusqu'à condamner le film à la destruction par les flammes. Auto da fé pour le 7e art. Mais enfin, de quoi ce film était-il coupable? D'oser le choc des corps, de filmer des scènes de sexe violentes, dominantes, consenties ou non entre un homme et une jeune femme? Interdit, coupé et détruit, le dernier tango à Paris est à la fois un succès auprès de la critique et des spectateurs et aussi un film pestiféré. Le temps de cette émission, nous retournerons sur les pas de ce film aux côtés des acteurs du dernier tango, des critiques et des spectateurs qui ont encensé ou non ce film, mais aussi auprès du réalisateur Bernardo Bertolucci, dont vous entendrez les confidences lues par le comédien Philippe Pierrard. En seconde partie, nous recevrons Jean Gilly, critique et historien du cinéma italien. Il est l'auteur notamment d'un dictionnaire du cinéma italien chez Nouveau Monde Édition. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, comédien Philippe Pierrard, réalisation Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui, Enzo Laborie. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le 15 octobre 1982, Rome. Ce jour-là, le Safa Palatino, studio de cinéma romain, est le théâtre d'une action très particulière. Un coup de force perpétré par une bande de cinéphiles héroïques qui se font appeler ladri di cinema, voleurs de cinéma. Jeunes hommes ou vieux brigands de la bobine, ils sont des conservateurs de l'ombre, des fidèles d'un cinéma oublié que les autorités italiennes ont souhaité pour un temps caché aux yeux du public. Au XVIe siècle, c'était sous l'influence de l'Église que les peintres devaient retoucher, amender, recouvrir des scènes. Ce fut le cas par exemple pour Daniele da Volterra, élève de Michel-Ange, qui sur ordre du pape dut revoir la scène du jugement dernier en ajoutant à la fresque originale pagnes et voiles sur les têtes des vêtus. Six siècles plus tard, ce sont les toiles cinématographiques qu'on ausculte et qu'on censure pour éviter à la bonne société d'être choquée ou déconvenue. Les voleurs de cinéma ont deux objectifs. Entendre les confessions d'escamoteurs de renom qui, le temps d'une discussion, confessent le vol d'un mouvement, d'une séquence, d'un décor, emprunté à un illustre prédécesseur, mais aussi de montrer des films oubliés, parfois interdits. C'est le cas ce soir d'octobre 1982 avec Ultimo Tango a Parigi, Dernier Tango à Paris, de Bernardo Bertolucci. Pour l'occasion, le réalisateur italien est présent. Avant de lancer le projecteur, il prononce quelques mots. Je prétends qu'il y a de bons et de mauvais voleurs de cinéma. Ceux de ladri di cinema sont de bons voleurs. Les mauvais existent aussi. Les producteurs, par exemple, quand ils interviennent sur le corps d'un film pour le mutiler, ou les distributeurs, quand ils font mal leur métier et empêchent la sortie d'un film. Il y a la censure qui coupe les films, les obscurcit, et il y a la magistrature qui les condamne au bûcher. Le dernier tango à Paris est un film qu'on ne pourra plus voir en Italie. Il s'agit donc d'un film qui a été volé au public. Je vous remercie d'être là et je vous préviens, peut-être ce soir, êtes-vous tous les complices d'un crime. Et les lumières s'éteignent. puis Le Dernier Tango à Paris réapparaît. Ceux qui n'ont jamais vu découvrent d'abord un générique étonnant, succession de tableaux de Francis Bacon, dont le réalisateur et l'opérateur se sont inspirés pour certaines scènes et couleurs du film. Puis, sur le pont de Bir Hakeim, Marlon Brando apparaît. Ce cri, c'est celui de Paul, un homme d'une quarantaine d'années. Il divague sous le métro aérien, les yeux dans le vide, les mains dans la poche, quand une jeune femme, Jeanne, le dépasse. Elle porte un imposant manteau blanc bordé de fourrure. Sous son chapeau, on découvre une bouille de gamine au regard candide. Genre bourgeoise effrontée, elle marche d'un pas alerte, sautant au-dessus des obstacles. Elle téléphone dans la cabine d'un café, puis visite un appartement à louer. En tirant les volets, elle découvre que le passant du pont Bir Hakeim est là, recroquevillé sur une table, dans l'ombre d'un renfoncement. Ils ne se connaissent pas, ne savent ni le prénom ni l'âge de l'autre. Et pourtant, dès cette première rencontre, ils font l'amour, puis se quittent en bas de l'immeuble. Dans sa poche, Jeanne a gardé la clé de l'appartement. Elle revient le lendemain, l'homme est là. Je sais pas comment t'appeler. Je n'ai pas de nom. Tu veux savoir mon nom? Ah non, non, non, tais-toi, je ne veux pas savoir comment tu t'appelles. Tu n'as pas de nom, moi non plus, je ne veux pas savoir ton nom, on n'a pas de nom. Ne dis pas ton nom, tu as compris? Vous êtes cinglé? Peut-être, oui, mais je ne veux absolument rien savoir de toi. Je ne veux ni savoir où tu habites, ni savoir d'où tu viens. Je ne veux rien savoir, rien. Rien du tout, rien du tout, c'est clair? Tu me fais peur. Rien. Voilà, on se verra ici. Sans s'occuper de ce qui arrive en dehors d'ici. Ok? Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de nous ici. Tu comprends? On va tout oublier. Mais oublier, mais absolument tout. Tout le monde, tout ce qu'on fait, ce qu'on vit, et même oublier. On va oublier les choses, les gens, les personnes. Oublier tout ça. Voilà les règles du jeu de cette histoire entre Paul et Jeanne, une histoire éphémère et brusque, morbide et provocante, où se conjuguent les corps et les esprits, le présent et les souvenirs, les âges et les espaces. Pendant près de 2 heures, on suit les hésitations de ces deux êtres qui s'abandonnent ou non à leur pulsion d'autodestruction, d'amour et de sexe. Avec Le Dernier Tango à Paris, Bernardo Bertolucci filme les corps sans artifice, les gestes sans retenue. Une danse endiablée qu'il imagina et tourna en 1972. Paris, printemps 72. Voilà quelques semaines que Bertolucci est en France pour le tournage du Dernier Tango. À l'époque, le cinéaste est l'enfant gâté et surdoué du cinéma italien. Fils d'un célèbre poète, Attilio Bertolucci, sa maison familiale est une arrière-cour du monde intellectuel et artistique de l'Italie de l'après-guerre. C'est ainsi qu'enfant, il rencontre un ami de son père qui l'amènera sans doute à prendre un jour une caméra. Cet ami, c'est Pier Paolo Pasolini lui-même. À 15 ans, Bernardo réalise son premier court-métrage, puis devient, 4 ans plus tard, assistant de Pasolini pour Acatone. Son premier succès en tant que réalisateur date de 1964. Avec son second film, Prima della Rivoluzione, Bernardo Bertolucci se fait un prénom au sein de la critique cinématographique qui salue ce nouveau venu et célèbre cette introspection politique et sentimentale de la jeunesse du début de la décennie. S'en suivront les films partenaires, La stratégie de l'araignée et Le conformiste. C'est après ce dernier long métrage que Bertolucci se lance dans l'écriture d'un film dont l'intrigue se passe au présent. Un film né souvent d'un fantasme. L'histoire vient d'une idée très simple. J'ai toujours désiré rencontrer une femme dans un appartement désert, un appartement qui n'appartient à personne, donc qui est un lieu privilégié, et faire l'amour avec elle sans savoir qui elle est, et de répéter avec elle à l'infini cet acte sexuel. L'idée du film est issue de cette obsession très personnelle, et à partir de là, j'ai écrit un scénario avec Franco Arcalli qui est ma conscience structurale, puisqu'il est aussi monteur du film. Le scénario est très élaboré, très construit. Pour jouer l'homme, Bertolucci avait d'abord imaginé Jean-Louis Trintignant, qu'il a déjà dirigé dans Le Conformiste. Par pudeur et inquiet de devoir jouer nu, l'acteur français décline la proposition. Le réalisateur italien rencontre alors d'autres vedettes françaises. Admirateur inconditionnel de Jean-Luc Godard et de son film À bout de souffle, il envoie le scénario à Jean-Paul Belmondo. Sa réponse est sans appel, pas question de jouer dans un film pornographique. Puis c'est à Alain Delon, Tancrède, dans Le Guépard de Visconti, que Bertolucci propose le rôle. Lui ne ferme pas la porte, mais demande à être également producteur du film. Bertolucci refuse. C'est alors vers les États-Unis que l'équipe se tourne pour trouver son Paul. Cette année-là, une vedette ancien sexe symbole de l'après-guerre est ressortie de la naphtaline par un jeune réalisateur du nouvel Hollywood, Francis Coppola. Cet acteur, c'est Marlon Brando. Habitué depuis des années aux échecs, il campe avec brio le patriarche de la famille Corleone et dans Le Parrain. Pour la première fois depuis des années, les critiques saluent son jeu, qu'on pensait pourtant has-been. Pour Bertolucci, Brando est un mythe du cinéma yankee, un condensé de figures littéraires et historiques de l'épopée américaine. Inquiet et admiratif, il lui envoie son scénario et le rencontre. Lors de leur première entrevue, Brando n'a vu aucun film du jeune réalisateur italien. Alors il demande qu'on lui montre Le Conformiste. À la fin de la projection, Brando donne son accord et invite le cinéaste à le rejoindre 2 semaines à Los Angeles, dans sa maison de Mulholland Drive, pour préparer le rôle. Bien, Brando jouera Paul, ça c'est réglé. Mais qui jouera la jeune femme ? Comme pour Trintignant, Bertolucci propose le rôle à l'actrice Dominique Sanda, qui a joué dans son dernier film. Elle n'a aucun problème avec la nudité, elle, sauf qu'elle est enceinte et ne peut donc accepter le rôle. Et c'est elle qui propose alors le nom de Maria Schneider, une parfaite inconnue dans le milieu. Fille d'un mannequin roumain et de l'acteur Daniel Gélin qui refuse de la reconnaître, Maria a arrêté l'école assez vite. C'est à cette époque qu'elle rencontre Brigitte Bardot, qui l'invite sur des plateaux de tournage et qui lui trouve ses premiers rôles, notamment dans Les Femmes de Jean Aurel, puis dans L'Arbre de Noël de Terence Young. Quand elle rencontre Bertolucci, elle est âgée de 19 ans et n'a jamais été premier rôle, n'a jamais connu le rythme d'un film du début jusqu'à la fin. Alors elle hésite, puis elle accepte le rôle. Inconnue de tous, c'est elle que les journalistes interrogent quand ils ont la chance de venir sur le plateau de tournage. Maria Schneider, quelle impression cela fait-il de tourner avec un monstre sacré comme Marlon Brando ? C'est avant tout un être humain, avant d'être une star, et c'est un mec fabuleux. Vous vous entendez bien avec lui ? Très très bien. Et Bertolucci comme metteur en scène ? Ce rire un peu gêné cache un tournage effréné et douloureux pour la jeune actrice. Une journée de travail représente 14 heures de présence quotidienne, du lundi au vendredi avec Marlon Brando, et le samedi en extérieur avec le troisième rôle du film Tom, l'amoureux officiel de Jeanne, joué par Jean-Pierre Léo. Le choix de cet acteur est comme une évidence pour Bertolucci. Jeune cinéaste, il a suivi à distance, de Rome, l'émergence de la nouvelle vague française, ces cinéphiles devenus réalisateurs et qui, en quelques films, ont brisé les codes du tournage, du montage, du récit. Léo est l'acteur emblématique de cette révolution dont François Truffaut et Jean-Luc Godard se partagent, année après année, les talents et ce label nouvelle vague. Dans le film de Bertolucci, Jean-Pierre Léo joue le rôle d'un réalisateur, Tom donc. Certains critiques y verront un hommage ironique du cinéaste italien à ce cinéma dont il s'émancipe désormais. Le dernier tango à Paris est donc une histoire à trois. Cette histoire entre Tom et Jeanne est l'illustration officielle de l'amour, celui qu'on affiche dans la rue et qu'on peut filmer sans restriction pour la télé, car il se limite à des baisers et des rencontres ici ou là. La relation entre Paul et Jeanne, elle, est plus complexe. Elle naît dans le mystère. C'est l'amour honteux, celui qu'on cache derrière des rideaux dans les huis clos d'un appartement à distance de la société. Tout au long du film, Jeanne est la passerelle qui permet de passer d'un monde à l'autre, de celui instable et brutal de Paul, à l'amour routinier et autorisé de Tom. Pour Maria Schneider, le tournage se déroule également sur deux rives, deux atmosphères de travail avec deux monstres du cinéma si différents pourtant. L'un est un mythe distant et âgé, l'autre une idole jeune et fougueuse. Et c'est avec Marlon Brando que les journées seront les plus longues et les plus compliquées. Et la scène la plus connue du film est sans doute la plus douloureuse dans le souvenir de Maria Schneider. Si dans le scénario tout était écrit, Bertolucci laisse aux acteurs la liberté d'improviser par les gestes mais aussi les mots. C'est ainsi par exemple qu'un matin avec Marlon Brando, il imagine la scène où Paul met du beurre au bout de ses doigts, l'étale entre les fesses de Jeanne, puis la sodomise. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais te parler de ma famille, de cette sainte institution qui apprend les vertus aux sauvages. Je veux que tu répètes après moi. Non et non! Non! Tu répète. Dis-le, sainte famille. Allez, dis-le. Allez, vas-y. Sainte famille, foyer de bons citoyens. Foyer. Bon citoyen. Bon citoyen. Dis-le. Dis-le. Où les enfants sont torturés jusqu'à ce qu'ils disent le premier mensonge. Les enfants. Les torturés. La volonté brisée. Par la répression. La volonté brisée. Pression. Liberté. Liberté. Liberté. Assassiné. La liberté est assassinée par les cris. Famille. Famille. Dieu. Famille. Dieu. Ok. Ces images ont été décortiquées, attaquées, racontées par les critiques et les spectateurs. Mais savait-il que Maria Schneider n'était pas au courant de cette scène? Que les cris et les larmes de Jeanne sont aussi ceux de Maria? Jeune, débutante, elle ne savait pas qu'elle aurait pu refuser de continuer. Bertolucci, lui, ne s'arrête pas de tourner malgré les protestations de la jeune actrice. Au nom de l'art et du cinéma, certains réalisateurs font des acteurs leur chose. Maria Schneider ne sera pas la seule traumatisée par le tournage. Marlon Brando lui aussi a été happé par le cinéaste italien, allant même jusqu'à dire que pour la première fois il s'est senti violé. Parlait-il de son corps à l'image? Durant le film, on ne voit jamais son sexe à l'écran et finalement, assez peu son corps nu. Certes, il y a une scène où Jeanne introduit ses doigts dans ses fesses et une autre où il baisse son pantalon au milieu d'une piste de danse, mais Bertolucci a obtenu autre chose de l'acteur sans finalement qu'il s'en rende compte, une part de lui. Devant la caméra, Marlon déteint peu à peu sur Paul et parfois on pense qu'il parle de lui, comme lorsqu'il évoque cette scène où il parle de ses parents qui, comme ceux du personnage qu'il incarne, étaient alcooliques. Et puis, avec Bertolucci, le passé n'est jamais loin du présent. Paul, comme Tom, sont imprégnés de souvenirs. Paul est une multitude de réminiscences de figures américaines à Paris. Certains critiques y verront Ernest Hemingway, Norman Mailer ou encore Henry Miller. C'est le cas également pour le rôle de Tom. Comment ne pas voir la figure de François Truffaut dans ses gestes et dans ses mots? Le souvenir est l'une des clés de cette histoire et de sa fin. Quand Paul accepte de lever les ombres de son passé, celui d'un homme meurtri par le suicide de sa femme qui se risque à la lumière et à l'extérieur, Jeanne le repousse. Il n'est plus qu'un homme âgé, sans mystère. Elle rompt avec lui, il tente de la retenir. Et l'histoire se termine où elle a commencé, dans un appartement. Quand Paul lui demande enfin son nom, Jeanne le tue. Mademoiselle, comment voulez-vous votre héros? À la coque ou bien sur le plat? Tu as parcouru l'Afrique, l'Asie, l'Indonésie. Et enfin, je t'ai trouvé. Je t'aime. Et je veux que tu me dises ton nom. Bertolucci entame alors le montage avec Franco Arcarelli. Après plusieurs semaines, ce cinéaste présente la première mouture à son producteur, Alberto Grimaldi. C'était la première fois que nous voyions le film sur un grand écran et nous étions bien sûr un peu émus. La projection s'arrête, la lumière se rallume. Franco et moi, nous nous regardons avec inquiétude. Nous sommes assaillis par le doute tout à coup et nous pensons « Qui ira voir un film aussi sombre qui parle d'un homme désespéré qui vient de perdre sa femme et paraît extrêmement vieux ?» J'avais 31 ans et Brando me paraissait très âgé. Nous nous tournons vers Grimaldi et nous voyons au contraire qu'il se frotte les mains, plutôt satisfait. Il vient vers moi et me dit « Tu verras, ce sera dur, mais je suis content d'avoir produit ce film. » Et le producteur ne se trompe pas. dès sa sortie, des critiques jusqu'au censeur, des salles de cinéma jusqu'aux tribunaux, Le Dernier Tango à Paris fait l'événement dans le monde entier. Décembre 1972, New York. La première sortie officielle du film se déroule dans la salle du Lincoln Center, un centre culturel grandiose situé à Manhattan, au sud de l'Upper West Side. L'enjeu d'une première, c'est de glaner des soutiens parmi la critique. Et c'est Pauline Kael, l'une des plus importantes critiques américaines de cinéma, qui, la première, fait du Dernier Tango un film événement. Dans les pages du New Yorker, elle en parle comme d'une nouvelle étape dans l'histoire du cinéma, à la hauteur de ce que fut le Sacre du Printemps de Stravinsky dans l'histoire de la musique. Mais à Paris, lors de la première, toujours, l'accueil est glacial, comme se souvient Maria Schneider dans le documentaire « Il était une fois le dernier tango » de Serge Julie et Bruno Nutten. La première à Paris, j'en souviendrai. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le tout Paris du cinéma de l'époque. Godard est parti au bout de 10 minutes de film en hurlant, en disant que c'était une horreur. Et il y avait une espèce de froid dans la salle, comme ça, glacial. Je suis sortie, personne ne me parlait. La seule personne qui est venue... avec un peu de chaleur et de gentillesse, c'était Gene Seberg. Mais la salle était très froide. Glaciale. Pourtant, dans la presse française, certaines plumes remarquées, comme celle de Louis Chauvet ou Jean de Baroncelli, encensent le film. Et c'est Robert Monange qui aura les mots les plus enthousiastes. Il écrit « Si l'on me demandait de choisir un film témoin de notre époque... Sans la moindre hésitation, je désignerais Le Dernier Tango à Paris. Parce que c'est une œuvre forte qui, à la fois, traduit l'autoritarisme dont sont accusés les aînés et qui fait passer le souffle de la grande libération sexuelle à laquelle aspire la jeunesse d'aujourd'hui. Mais tous les avis ne sont pas unanimes, c'est le jeu de la critique. Jacqueline Michel, de Télé 7 jours, est bien plus acerbe vis-à-vis du réalisateur, mais également des acteurs, dont une certaine Maria Schneider, à qui sa fourrure naturelle tient lieu de talent, dit-elle. Et bien sûr, la mise en scène des corps sera l'un des griefs retenus contre le film, de la part des critiques et du public, comme le prouve cet extrait du Masque et la Plume, quelques jours après la sortie du film. Qui veut commencer? Peut-être un spectateur qui aurait vu ce film. Peut-être Marlon Brando, qui pourtant est un acteur confirmé, se prostitue à faire des machins de... Écoutez, il fait la figuration de maison spéciale, qu'est-ce que ça signifie? C'est un grand acteur, on n'avait pas besoin de ça. Par ailleurs, il nous émeut, mais vraiment dans ces scènes-là, oh non, ça va, qu'on rouvre les bordels et qu'on nous foute la paix. Bien, madame a été totalement choquée, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que quelqu'un a aimé le film, en revanche? Oui, par ici, à droite. Écoutez, vraiment, j'apprécie pas du tout ce genre de réaction. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Le film est très sérieux, c'est un film, on l'a dit, sur la mort, sur la mémoire, sur le temps. C'est un film qui traduit l'angoisse profonde d'un être qui sent approcher la vieillesse et qui sent venir la mort. Et c'est cette angoisse qui fait qu'il veut tout à la fois se libérer du passé qu'il a derrière lui. Ambivalence du temps, donc, de la mémoire, et en même temps, rencontre entre deux êtres, rencontre qui est totalement aléatoire, qui s'est faite au hasard dans les rues de Paris, et finalement, somme toute assez pessimiste, puisque le film se termine par une rupture qui va, en quelque sorte, assurer le triomphe d'un ordre qui voulait être détruit. Alors, érotique ou pornographique? Ah, voilà la question posée par la diffusion du film. Aux États-Unis, par exemple, il est classé X. En France, cette catégorie n'existe pas encore. C'est la commission de contrôle cinématographique qui se charge de donner un visa d'exploitation au film. Le 12 décembre 1972, Le Dernier Tango à Paris passe devant la commission contrôle qui propose que le film soit interdit aux mineurs de moins de 18 ans. Oui, car à l'époque, la majorité était à 21 ans. Et que la diffusion s'accompagne d'un avertissement qui annonce l'existence de scènes scabreuses et délicates. Dès sa sortie, le film est source de débats à la radio, mais aussi à la télé. Dans l'émission Aujourd'hui Madame, on s'interroge notamment sur ces questions. Où s'arrête l'art et où commence la pornographie? Après avoir demandé l'avis de spectatrices présentes sur le plateau, la parole est donnée à René Barjavel, écrivain et journaliste pour le Journal du Dimanche, puis à Robert Menayoun, qui lui porte la contradiction. René Barjavel, vous avez écrit de ce film qu'il était triste, ennuyeux et sale. Je trouve qu'il est effectivement bête, triste, sale et laid. Je respecte profondément Fellini. Je n'aime pas Antonioni, mais je le respecte. Par contre... Bertolucci, je ne crois pas une seconde à sa sincérité. C'est un type qui fait des opérations commerciales et là, il en a fait une superbe. Vous êtes en train de faire bouillir Robert Benayoun. Pas du tout, me faire rire énormément. Je ne pense pas que ce film soit sans défaut, il en a quelques-uns, mais ils sont vraiment très très secondaires. Et je crois qu'en tout cas, on ne peut pas dire que c'est un film pornographique, on ne peut pas dire que c'est un film vulgaire, mais moi j'ai trouvé que toutes les scènes d'amour du film étaient faites avec une certaine de l'amour, pudeur, voyez-vous, avec une scène d'amour. Alors, parlons d'amour. Si M. Barjavel n'a pas vu l'amour, c'est qu'il n'a pas vu le film. Car j'ai que veut dire le film? J'ai vu le film, j'ai vu l'histoire d'un type qui pense que sa femme s'est tranchée la gorge la veille parce qu'elle le trouvait trop moche et elle avait raison, et parce qu'elle avait un amant qui est encore plus moche que lui. Ça va se promener sous le métro, il trouve tout à coup, miracle, un écriteau appartement à louer. Il monte, il trouve une fille et il l'enfile le long du mur. Voilà ce que vous appelez ça de l'amour. En Italie aussi, le film est source de débat. Comme en France, il est passé devant la commission de censure. Dans un sous-sol du ministère du spectacle, le film a été projeté aux membres de la commission. Et le rapport est sans appel. Il faut modifier et réduire sensiblement la durée en éliminant les détails les plus scabreux, la première étreinte exécutée par les protagonistes de façon inopinée, debout et avec une fougue sauvage. À la suite de cette décision, Bertolucci rencontre le président de la commission. Ensemble, il revoit la scène et le réalisateur accepte de mutiler son film de 8 secondes. Le film sort, mais... ce qui n'est pas le cas en France, l'autorisation peut à tout moment être retirée en Italie si un citoyen, par exemple, considère l'œuvre obscène. Et c'est ce qui arrive au film de Bertolucci. Après un acquittement en première instance, la Cour d'appel de Bologne ordonne le 4 juin 1973 la confiscation du film ainsi que la condamnation de ses interprètes, Marlon Brando et Maria Schneider, à 2 mois de prison avec sursis et 30 000 lire d'amende chacun. Tout comme le réalisateur, producteur et distributeur du film, qui perdent du même coup leurs droits civiques. Quelques jours plus tard, accompagné de l'Association des auteurs cinématographiques, la Société des acteurs italiens et des syndicats de critiques cinéma, le réalisateur prend la parole lors d'une conférence de presse. D'après le code Rocco, élaboré au temps du fascisme, Une œuvre ne peut être condamnée pour obscénité si elle possède des qualités artistiques. La Cour d'appel de Bologne estime donc que Le Dernier Tango à Paris, qui a été vu par 7 millions de spectateurs italiens, est dénué de toute qualité artistique. Nous allons donc nous pourvoir en cassation, sans beaucoup d'espoir, car le jugement ne pourrait être cassé que pour vice de forme. Malgré tout, il est très important d'aller jusqu'au bout du combat. Le problème concerne tout le monde. C'est la première fois qu'une cour d'appel condamne un film acquitté en première instance. Il est important de ne pas admettre ce précédent. Et voilà le film en Bastille. Il faudra attendre l'année 1976 pour que la Cour de cassation donne son verdict. Quand il tombe, Bernardo Bertolucci termine le montage de son dernier film, 1900. Son producteur le joint par téléphone et lui annonce sèchement « Bernardo, abbiamo perduto !» On a perdu. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel et demande la destruction des négatifs. Par chance, ceux-ci avaient été envoyés de façon préventive en France. Mais symboliquement, ce jour-là, on a sacrifié Le Dernier Tango à Paris sur l'autel de la censure. En 1982, au Safa Palatino, le temps d'une soirée, le film réapparaît. Il n'y aura aucune plainte. Ce que l'on ne pouvait voir hier est redevenu acceptable, allez comprendre. Quoi qu'il en soit, et n'en déplaise aux âmes, prudes ou sensibles, avec Le Dernier Tango à Paris de Bertolucci, le cinéma s'aventure sur des terres inédites, celles des corps, et ouvre ainsi un nouveau chapitre de son histoire. Comme l'aurait dit Maurice Clavel, messieurs les censeurs, bonsoir. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mauvaise réputation ou le dernier tango à Paris. Notre invité, c'est Jean Gilly. Bonjour. Bonjour. Merci d'être une nouvelle fois avec nous, car nous vous avions reçu l'an dernier pour le film La Grande Bouffe. Vous voilà préposé à la chronique du scandale. Alors, je rappelle que vous êtes critique et historien du cinéma, spécialiste du cinéma italien, directeur du Festival du cinéma italien d'Annecy. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur le sujet, dont le dictionnaire du cinéma italien chez Nouveau Monde. Voilà, trois fois le mot italien dans la même phrase, il est des répétitions qui passent mieux que d'autres. Alors, en 1972, Jean Gilly, qui est Bertolucci et quel est son lien avec Pasolini? Parce que c'est assez fascinant quand même d'être à l'école Pasolini. Le lien avec Pasolini est extrêmement fort. C'est un lien ancien qui remonte presque à l'âge de l'adolescence, puisqu'il se trouve que le hasard de la vie fait que Bertolucci habite dans un immeuble à Monteverde, à Rome, en étage avec ses parents, notamment avec son père, le poète Attilio Bertolucci, et avec son frère Giuseppe Bertolucci, qui deviendra lui aussi cinéaste avec moins de renom et de réputation que Bernardo. Et à l'époque, comme le père est poète, le jeune Bernardo écrit des vers. Et dans le même immeuble, c'est pourquoi j'insistais sur cet immeuble de Monteverde, au rez-de-chaussée habitait Pasolini. Et donc Bertolucci, que j'avais rencontré d'ailleurs au début des années 70 et qui me racontait tout ça avec beaucoup d'émotion, il descendait quatre à quatre les escaliers de l'immeuble pour apporter ses poèmes à Pasolini pour lui demander ce qu'il en pensait, quoi, puisque le père Attilio Bertolucci avait publié chez Garzanti le premier livre de Pasolini. Et Pasolini encourage le jeune homme, lui dit qu'il est doué, qu'il a des qualités, que ses vers pourraient être publiés, et surtout quand en 1961, Pasolini prépare son premier film à Catone, il demande à Bertolucci d'être son assistant. C'est ça, oui. Et donc Bertolucci va grandir, va être en quelque sorte porté à finalement tourner le dos à la poésie et à s'intéresser au cinéma grâce à Pasolini. Et Pasolini va écrire d'ailleurs le premier scénario, La Comare Secca, du film que Bertolucci va tourner et qui ouvrira la carrière de Bertolucci. C'est ce qu'on appelle être à bonne école. Alors, pourquoi... Très très bonne, oui. Hein, ah bah oui. Pourquoi Bertolucci choisit-il comme décor du dernier tango Paris, hein, comme le dit le titre, après tout, Rome eût été aussi un cadre magnifique. Oui, mais je crois, d'abord, Paris exerce une certaine fascination. Tout à l'heure, sur les cinéastes italiens, tout à l'heure, vous rappeliez La Grande Bouffe. N'oublions pas que La Grande Bouffe aussi est tournée à Paris. Ouais. Et que Paris est un décor, comment dirais-je, qui suscite, qui réveille l'imaginaire. Et les cinéastes italiens, dans le fond, ont besoin de se déraciner et d'aller ailleurs. Ouais. En plus, c'est une histoire, on voit les difficultés qu'a eu le film en Italie, c'est une histoire qui était quasiment invraisemblable, tournée en Italie. Par contre, à Paris, d'abord, le thème des Américains à Paris est un thème qui court dans la littérature et dans le cinéma, hein, qu'on pense à Miller. Hemingway, Miller. Rappelé, bon, donc, que Brando, il y a un caractère de plausibilité, si je puis dire, que Brando soit un Américain qui vit à Paris et qui essaie d'y tromper une espèce d'angoisse liée à l'âge, liée à la mort. Ça a été très bien dit par l'auditeur de tout à l'heure, qui a insisté sur le problème du temps, de la mémoire. C'était une façon extrêmement précise de définir le film. Donc, que Brando soit là, et que ce soit cet homme errant qui rencontre cette jeune fille à Paris, il me semble que ça paraît difficile de l'imaginer ailleurs. C'est ça. Bon. Et par ailleurs, il y a aussi la référence. Bertolucci était profondément marqué par la Nouvelle Vague, l'appel à Jean-Pierre Léo, donc la référence cinéphilique explicite. Il faut aussi rappeler que Bertolucci est un cinéaste cinéphile, ils ne le sont pas tous. Lui était un cinéphile qui allait souvent au cinéma, qui voyait des films, qui en était imprégné et qui vivait également de mémoire cinéphilique. Ça n'a pas été dit jusqu'à présent, mais il y avait dans le film quand même un très très grand acteur italien qui s'appelle Massimo Girotti, qui a été notamment l'acteur de Visconti dans Ossessione. Et Girotti lui fait jouer le voisin de Brando dans la pension où vit Brando. Ils portent tous deux le même peignoir et il y a une espèce de confrontation entre deux mémoires cinématographiques, la mémoire américaine et la mémoire italienne. Et d'une certaine façon, Bertolucci disait « Je me suis aussi amusé à lui montrer qu'un acteur italien pouvait avoir plus de cheveux que lui. » Alors, on aurait pu, parmi les grands étrangers, les grands artistes et leur attirance pour Paris, citer Marlene Dietrich, Oscar Wilde, Jim Morrison et quelques autres. Alors, quand vous avez vu ce film, Le Dernier Tango à Paris, quelle a été votre réaction? Vous, cinéphile et spécialiste du cinéma. Bon, la réaction, d'abord, il faut dire que le fait de connaître les lieux, moi j'avoue qu'encore aujourd'hui, je ne passe jamais à la passerelle du pont de Bir Hakeim. Juste à côté d'ici, d'ailleurs. Juste à côté d'ici, et j'y suis passé encore en venant ici à la maison de la radio. Je ne peux pas passer là sans me souvenir de ce lieu, sans penser à Brando qui passe. Maria Schneider n'est pas un mythe cinématographique, donc elle n'est pas aussi marquante dans le souvenir. Mais Brando courant là, dans ce passage, sous le métro aérien, et que l'on aperçoit sur la gauche l'immeuble où a été tourné le film, enfin en tout cas la façade, l'entrée. Ouais. Donc et ça a laissé une force qui était déjà essentiel à la première vision du film. J'ajoute que ça continue. Moi, je passe tous les matins devant ce pont pour venir ici. Et une fois sur deux, il y a une caméra. Hein, pour une pub, pour... Mais cet endroit-là est un endroit mythique de l'image. Oui, bah c'est un endroit mythique grâce au film de Bertolucci. Bertolucci en a fait un lieu mythique. Moi, j'aimerais d'ailleurs qu'on y mette un grand écriteau. Qu'on mette une pancarte. Ici, Bernardo Bertolucci, en 1972, a tourné avec Marlon Brando, Dernier Tango à Paris. Donc, à l'époque, c'est un film qui avait profondément marqué, qui m'avait profondément touché, qui m'avait même bouleversé, parce que on s'est focalisé sur la scène de sodomie qui, finalement, n'est jamais que dans la continuité du film. Il y a d'autres moments où elle se baigne dans une baignoire et où lui, avec un gant, la lave, caresse ses seins avec du savon, enfin, qui sont des scènes du point de vue érotique peut-être plus fortes encore que cette séquence qui a fait un peu scandale. Le mot « passe-moi le beurre » est devenu une expression. Pas forcément élégante, mais c'est une expression. Pas forcément élégante, mais parce qu'effectivement, d'ailleurs, de ce point de vue, la séquence n'est pas d'une... Bon, peu importe, c'est pas là l'essentiel. Le film a laissé une trace inouïe comme s'il y avait... Pas oublier non plus que nous sommes en 72, c'est-à-dire dans ce moment où, après 68, il y a une espèce de revendication de liberté. Et ce film, dans le fond, la liberté, il la prenait. Il est certain que Bertolucci se doutait bien que cette histoire n'allait pas passer sur les écrans sans susciter de polémique. Mais en même temps, il assume. Il assume parce qu'il vient aussi de faire un film, il sort du conformiste, qui est un film admirable avec Trintignant, et qui est aussi un film qui évoque un autre thème tabou, qui est l'homosexualité. Donc Bertolucci se meut dans tout ça avec une aisance totale. Alors, lui, peut-être, mais pour les acteurs, c'est quand même une épreuve. Hein. On va écouter d'ailleurs ensemble un extrait d'un entretien de Bertolucci qu'il a accordé à Bernard Pivot en 1966 pour l'émission Bouillon de culture, où il revient sur sa relation avec Marlon Brando. Marlon, c'est quelqu'un qui a un incroyable sens de la privacy. Alors sa privacy, et pourtant, il savait très bien ce qu'on faisait. Je lui ai dit, écoute Marlon, ce que je veux faire, c'est arracher de ton visage le masque Marlon Brando Actor Studio. Je crois d'être réussi dans cette histoire. Lui, quand il a vu le film, je crois qu'il s'est senti un peu violé, dans le sens de la vérité qu'il n'aurait jamais voulu montrer au public. Bon, il s'est passé quelques temps, et après 22 ans, on se retrouve, il y a 2 ans, je l'appelle, je lui dis, bon, je suis à Los Angeles. Ah bon, j'ai dit, pourquoi on ne peut pas se voir? J'avais envie de le voir. Il dit, mais bien sûr on peut se voir. Et il dit quand? Maintenant, tout de suite. Alors, je suis monté sur ma voiture, je conduis sur Mulholland Drive pour arriver chez lui. Je suis arrivé là, il n'y avait personne, et puis il est sorti de derrière un arbre, il me regardait en souriant. Voilà, donc cet entretien a eu lieu en 1996, hein, je crois que je vous ai dit 66, mais c'était bien 96, évidemment, puisque le film est sorti en 72. Bien, concernant Marlon Brando, on vient d'entendre ce qu'en a dit Bertolucci. Jean Gilly, qu'apporte-t-il au rôle de Paul Brando? Comme c'est un homme qui est travaillé par la mémoire, qui est travaillé par le suicide de sa femme, qui essaye de se reconstruire une vie et qui finalement a une démarche qui est essentiellement suicidaire. Et de fait, il sera tué par Maria Schneider avec le pistolet du père, qui par ailleurs est un officier dont on ne sait pas très bien, mais enfin un officier pied noir, peut-être OAS, enfin il y a là une allusion qui est très discrète, mais qui est quand même présente. Donc, Brando, il amène toute sa mémoire d'acteur. Et d'ailleurs, vous remarquez que dans la déclaration de Bertolucci, il dit « je veux te faire perdre ta patine d'acteur studio ». Oui. Mais parce que Brando, c'est l'acteur studio, c'est-à-dire c'est toute la mémoire d'un jeu américain, c'est toute la mémoire de toute une série de films plus étonnants les uns que les autres. Et je crois que Bertolucci, dans le fond, n'avait pas tellement besoin d'un acteur, mais il avait besoin de Brando, c'est-à-dire il avait besoin d'un acteur qui transporte tout ce vécu. Pourtant, c'était pas sa première idée, on l'a dit. Oui, c'était pas sa première idée, mais je pense que lorsqu'il se retourne vers Brando, ce n'est pas sa première idée parce qu'il sortait d'un film avec Trintignant et que, assez naturellement, souvent quand on fait un film et que ce film marche et que l'acteur est très bon, ah on oui, a envie de le reprendre. Bien sûr. Bon. Mais j'ai l'impression que lorsque Brando arrive dans le film, Bertolucci doit, à mon avis, remercier Trintignant. Il ne l'aura jamais dit, mais remercier Trintignant de dire « c'est parce que tu as dit non que Brando va dire oui ». Et la présence de Brando va ajouter au film une patine, quels que soient les mérites éminents de Trintignant, qui est un acteur d'une importance considérable. Mais là, je crois que Brando, cet Américain qui amène tout ce passé, dont on ne sait rien par ailleurs. Hein. On sait que c'est un homme qui travaillait par la mémoire, par les souvenirs, par les angoisses existentielles sur lesquelles on ne sait rien, et qui noie tout ça dans le sexe, dans l'alcool. Bon, donc on a quelque chose qui prend une énergie nouvelle, qui est pas tant finalement celle de Brando, l'acteur occasionnel qui est là, mais qui est celle de Brando et de toute son histoire. Parce que par ailleurs, dans le film, on dit qu'il a une quarantaine d'années. En réalité, il approchait de la cinquantaine, et en fait, il portait avec lui une expérience de cinéma considérable. Alors le second personnage, l'autre, on va dire l'autre. Parce que c'est pas un second rôle, c'est un deuxième premier rôle, c'est Maria Schneider. Elle est morte en 2004, Maria Schneider. On va écouter ce que disait Bertolucci, encore une fois, de son ancienne actrice, de son rôle et puis aussi de ses regrets. J'ai peut-être quelquefois allé trop loin, comme ça est arrivé avec Maria Schneider. Je l'avais pas prévenue de ce qu'on allait faire avec Marlon Brando, de comment le beurre serait été utilisé. Je lui ai pas dit parce que je voulais sa rage. La rage était parce qu'elle était blessée du fait que je lui avais rien dit. Pourquoi? Parce que je voulais qu'elle réagisse comme une jeune fille qui se trouve renversée sur la moquette avec un homme qui lui met du beurre entre les fesses. Si j'avais eu des problèmes, disons, le moralisme, comme ça, évidemment, le film aurait été autre chose. Mais quand même, après beaucoup de temps, j'aurais voulu demander pardon à Maria Schneider. Voilà, Maria Schneider qui va vivre le reste de sa vie avec le poids de ce film. Oui, le poids de ce film, et effectivement, elle a déclaré de son côté qu'elle n'a jamais pardonné à Bertolucci d'avoir tourné cette scène sans l'avertir. Mais je crois que les metteurs en scène sont capables des pires choses. Trintignant raconte, lorsqu'il était en Italie pour tourner, justement, Le Conformiste, tout le monde le sait, il avait un enfant à bas âge avec Nadine Trintignant qui est morte de mort subite, qui n'avait que quelques mois. Trintignant était effondré. Le jour d'après, on tournait. Ouais. On tournait. Et Trintignant dit « Je pense que Bertolucci a utilisé ma souffrance pour donner encore plus d'intensité à mon jeu. » Autrement dit, le tournage ne s'est en aucune façon interrompu, quoi. Alors c'était peut-être aussi une façon pour Trintignant de supporter le choc en continuant à travailler. Mais en même temps, ça a dit tout l'égoïsme du metteur en scène au service de son travail. Bien sûr, il a toujours la possibilité de dire « moi, mon objectif, c'est de faire le mieux possible ». Et donc utiliser la souffrance de Trintignant ou violer Maria Schneider pour avoir plus d'intensité, même si la scène est simplement suggérée, elle n'est pas accomplie, mais quand même provoquer la stupeur de Maria Schneider et avoir des larmes qui sont les vraies larmes qu'elle a sur le plateau, c'est vraiment le metteur en scène qui utilise tous les moyens qui sont à sa portée pour obtenir le meilleur de ce qu'il veut obtenir et qui finalement, 30 ans après, peut en avoir quelques regrets. Mais 30 ans après. Et c'est le cas d'ailleurs. Et alors, la prestation maintenant de Maria Schneider, à vos yeux, comment est-elle ? Elle est remarquable parce que justement, elle joue totalement sur le contrepoint. Quoi. D'ailleurs, dans Profession Reporter, Antonioni fera appel à elle pour être un personnage également de jeune femme auprès de Jack Nicholson. Autre rencontre insolite, Nicholson, Maria Schneider. Donc Maria Schneider, il est difficile d'imaginer une comédienne, là encore. Heureusement que Dominique Sanda était enceinte. Parce que si Dominique Sanda n'avait pas été enceinte, imaginez Dominique Sanda dans ce type de séquence, ça aurait été à hurler de ridicule. Il fallait absolument une jeune femme, une comédienne très jeune, qui puisse être choquée par ce qu'on lui faisait jouer. Bien, Jean-Gilles, il faut qu'on parle aussi de la censure. Que se passe-t-il en Italie, quand même la première puissance culturelle du monde, un pays entièrement tourné vers l'art, mais aussi qui supporte, en tout cas à l'époque, le poids peut-être de la religion catholique. Je ne sais pas, enfin, qu'est-ce qui se passe quand les Iraniens viennent à Rome, on met des planches de bois devant les statues des musées. On a vu ça récemment. Donc il y a un rapport. Bon, l'Italie est un pays qui est d'abord dominé par l'Église. Est-il d'abord dominé par l'Église ? Il est dominé par l'Église. Oui, il est dominé par l'Église. Il est d'abord dominé de façon très positive par le poids de son patrimoine culturel. Oui, mais le patrimoine culturel, il est profondément lié à l'Église. Parce que c'était en grande partie à cause de l'Église, du mécénat des princes de l'Église, des cardinaux qui faisaient construire des églises, qui faisaient construire des palais, qui faisaient peindre des tableaux, qui faisaient sculpter des statues. Donc l'Église est quand même intimement liée à ce patrimoine. Et l'Église est quand même un principe d'ordre moral. On le voit encore aujourd'hui avec le problème du mariage des homosexuels, où l'Église freine des quatre fers. Donc dans ce pays, c'est vrai que la liberté d'expression est limitée par un contrôle des esprits. Il ne faut pas oublier aussi que quand même l'Italie a vécu 20 ans de fascisme, qui était aussi un régime politique d'ordre moral, et jamais l'Église ne s'est aussi bien trouvée qu'avec le fascisme pour pouvoir régenter le pays. Donc que ce film ait provoqué un scandale, bon, qu'aujourd'hui on puisse rire de l'idée de faire brûler la pellicule, surtout qu'à l'époque c'était encore... Non, c'était plus de la pellicule flamme, donc elle ne brûlait pas si bien que ça. Mais quand même, l'idée de faire détruire de la pellicule, l'idée de faire disparaître le corps du délit, dans le fond. Heureusement que les négatifs étaient venus en France et qu'aujourd'hui, le film, on le voit sans problème, y compris en l'achetant en DVD dans les supermarchés. Mais que la censure en Italie ait encore ce poids, à l'époque, en tout cas, n'oublions pas, on est au début des années 70, on ne se rend pas compte combien en 40-50 ans, les choses, les mentalités ont évolué. Et je pense que fondamentalement, le public italien n'était pas choqué par le fait que l'on interdisait les derniers tangos à Paris. Quoi. Et alors, là, une contradiction, peut-être, c'est aussi l'époque où arrive d'Italie la grande bouffe de Ferreri, Salò, les 120 journées de Sodome, de Pasolini, qui font scandale. Donc, à la fois, il y a cette chape morale, mais c'est quand même du cinéma italien qu'arrivent les choses les plus iconoclastes. Quoi. Oui, mais je crois que c'est tout à fait dans la norme, c'est tout à fait logique. Plus il y a de contraintes, plus l'envie de se libérer est grand. Si vous êtes dans un univers où vous pouvez représenter tout ce que vous voulez, pourquoi avoir envie de représenter quelque chose qui ne choquera, qui ne surprendra personne ? Donc je crois que c'est vraiment une conséquence normale. Plus on essaie de contraindre et d'interdire, plus on a, de la part des artistes, le besoin de se libérer. Jean Gilly, en 45 secondes, s'il vous plaît, parce que c'est la fin, quelle est la place de ce film dans l'histoire du cinéma ? Considérable, mais pas seulement. Moi, je crois qu'il faudrait... Il y a trois films de Bertolucci qui, selon moi, occupent une place considérable et qui sont dans la continuité l'un de l'autre. Hein. Il y a Le Conformiste, il y a Le Dernier Tango à Paris... Et 1900 Et 1900. Ouais. Novecento, pour moi, c'est un peu le Citizen Kane italien. Quoi. Bon, donc c'est une place importante. Et puis, alors, il me reste 15 secondes. Vous l'aimez ce film ou vous ne l'aimez pas ? Ah oui, moi je l'aime. Ouais. Pour vous, mais c'est un bon film ? C'est un très bon film. Et puis écouter la musique de Gatto Barbieri, pour moi, me transporte. Merci Jean-Gilles de vous être transporté jusqu'à nous pour venir nous éclairer de vos lumières sur ce film et sur le cinéma italien en général. Merci, à bientôt.